Les matchs de ping-pong printanier des handicapés et des amateurs 2016 se sont déroulés du 16 au 20 courant au gymnase de l'Université de technologie Kim-Tech à Pyongyang. Les matchs étaient répartis en simple et double selon les catégories des handicapés et des amateurs, suivant l'âge. Y ont participé des centaines de handicapés, amateurs, membres du Comité paralympique international et de la Fédération internationale de tennis de table et ressortissants coréens dans la patrie. À la cérémonie de clôture, les meilleurs joueurs ont reçu les coupes et les médailles.